cette idée folle un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Allez, quelques notes de France Gall pour se mettre dans l'ambiance, l'ambiance de cette rentrée, puisque maintenant c'est fini les vacances. On a passé cet été ensemble sur Fadjet avec des titres légers, des titres sympas. Hein. Et puis là maintenant, bah, c'est l'heure de rentrer, c'est l'heure de se préparer pour la rentrée. Alors, qu'est-ce qui vous attend pendant cette saison 4 de Coup de cœur? Déjà, un merci à la direction de Fadjet qui nous fait confiance pour continuer cette émission. Et puis, donc, je voulais vous éclairer un petit peu. Je ne vais pas être exhaustif, vous ne saurez pas toutes les vedettes, vous ne connaîtrez pas aujourd'hui toutes les vedettes qui seront mises à l'honneur, tous les coups de projecteur que l'on va donner dans cette saison 4 sur les artistes. Par contre, un petit échantillon, ça fait pas de mal. On commence par celui qui a participé à la finale de la troisième saison de The Voice, la plus belle voix. Il a été désigné pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson 2016, où il s'est classé en sixième position. Ça vous parle? Le titre qu'il a révélé, c'est « J'ai cherché ». Et on l'écoute tout de suite. Donc, ce sera un coup de cœur de cette saison 4. Il s'agit bien sûr de Amir. On écoute Rétine. C'est parti de rien. À peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée, le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on ne sait pas, puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément, mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour, j'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Se va bien, comme lèvres douces et peau salée, comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Et c'est justement le sujet de notre émission d'aujourd'hui, une émission de présentation de la saison 4, les coups de projecteur que l'on va donner sur les artistes durant cette nouvelle saison. Alors, on parlera également, on reviendra sur la carrière de cet auteur, compositeur, interprète et acteur italien, naturalisé français, qui était né en 1934 à Gênes et qui nous a quittés le 13 août 1998. Est-ce que ça vous parle? Son nom véritable, c'est Agostino Arturo Maria Ferrari. C'est pas évident de deviner de qui il s'agit. En fait, c'est de Nino Ferrer. On va écouter Mirza pour illustrer ce futur coup de cœur. Et puis également un groupe issu de la vague du rock rennais du tout début des années 80 et qui a adopté le nom de Niagara en 1984, qui a connu le succès pendant les années 80, le début des années 90. Et il s'agit d'un groupe de pop rock français, originaire de Rennes, donc fondé en 1982, composé de Muriel Moreno et Daniel Chenevez. Ils se sont séparés en 1993. Donc le titre de la seconde chanson, ce sera « Pendant que les champs brûlent ». Pour le moment, on retrouve Mirza. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la la la la la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Fragilité. Ce soir Niagara qui fera partie des futurs coups de cœur pour cette saison 4 de l'émission. Si vous venez nous rejoindre, un petit panorama de ce qui vous attend pendant les futures semaines, les futurs mois à l'écoute de coups de cœur. Alors le suivant c'est Claude Barzotti, de son vrai nom Francesco Barzotti, qui est né en juillet 53 à Châtelineau dans la province de Hainaut en Belgique. Il s'agit d'un chanteur italo-belge. Sachez qu'il vit aujourd'hui en Belgique à Cours-Saint-Étienne. On va écouter Madame. Aucun souci, je pense que vous vous rappelez très bien de Claude Barzotti. On détaillera sa carrière, on détaillera sa vie, son actualité lors d'un coup de cœur à venir. Ensuite, alors là, il se fait connaître en 2010 avec la chanson Alors on danse, extraite de l'album She's. Vous avez tout de suite compris. Déjà, il se faisait remarquer par un style mêlant thème mélancolique et musique dansante. Paul Van Haver, dit Stromae, est auteur, compositeur, interprète et producteur belge également. Il est né en 1985, très exactement le 12 mars à Etterbeek. On va écouter L'Enfer, c'est son tout dernier titre notamment. On commence tout de suite avec Claude Barzotti, Madame. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, Madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, Madame. Souvent je vous revois, Madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain. Peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, Madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, Madame. Souvent je vous revois, Madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain. Souvent je vous revois, Madame. Ne me dites pas de m'en aller, je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, Madame. Souvent je vous revois, Madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain. Jet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Alors un petit mot pour vous rappeler le principe de notre émission. Alors trois ingrédients, déjà un artiste que l'on met à l'honneur. Vous pouvez écouter une huitaine de chansons de cet artiste pendant les 60 minutes qui lui sont consacrées. On parle de lui, de sa carrière. Également écouter les personnes qui l'ont influencé, ses rencontres, ses collaborations. Et puis des nouveautés que l'on parsème un petit peu dans le programme tout au long des émissions. Voilà de quoi il s'agit. Vous qui ne nous connaissez pas, vous qui nous rejoignez, vous qui nous découvrez aujourd'hui, eh bien restez à l'écoute chaque semaine de notre émission Coup de cœur. Par exemple, celui qui était un pionnier du twist en France et importateur de rock, et qui a été surnommé le père tranquille du rock, justement, il a compté plus de 600 titres enregistrés et plus de 50 millions de disques vendus. Il a enregistré des titres en plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol, etc. Il est né le 13 janvier 1938 au Caire. Il nous a quittés en avril 2015. Il s'appelait Richard Petz. Vous le connaissez certainement mieux sous le nom de Richard Anthony. Ce sera un coup de projecteur sur Richard Anthony dans le futur de cette année 2022-2023, la saison de coup de cœur. J'entends siffler le train, c'est ce qu'on va écouter tout de suite après. Et puis, un autre coup de cœur. Alors, comment vous guider? Son premier album, c'était Chanson pour Mamie, sorti en 1968, avec en titre son prénom et un énigmatique Lavillier, probablement lié au nom de la ville ouvrière d'Aubervilliers, selon ses propres déclarations. Ça deviendra son nom de scène, Bernard Houllion, dit Bernard Lavillier, auteur, compositeur, interprète, né en octobre 46 à Saint-Étienne. Et ben, on va écouter Les Mains d'Or, mais on s'attardera plus sur lui, on lui consacrera une émission entière. Pour le moment, c'est Richard Anthony. Qu'il valait mieux nous quitter.

et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge. Bernard Lavillier, et notamment un petit clin d'œil aux travailleurs de la sidérurgie de notre belle région notamment. Alors il y aura de belles pointures également durant cette saison de coup de cœur. Écoutez plutôt ce qui suit. Grand amateur de jazz, de musique latine et africaine, jouant sur la musicalité des mots, il s'applique tout au long de sa carrière à unir chansons françaises, poésie et rythme. Il s'agit de Claude Nougaro, né en septembre 29 à Toulouse bien sûr, et qui nous a quittés en mars 2004, auteur, compositeur, interprète et poète français. Également à l'affiche de cette saison, un groupe. Le nom du groupe est une référence directe à Greenwich Village, The Village pour les New-Yorkais, lieu où le groupe a été fondé par l'Indien India Mike et qui compte également une grande communauté gay. Les thèmes des chansons et le style du groupe, notamment vestimentaire, feront des Village People un symbole du mouvement gay à l'époque. Village People, un groupe de musique disco-américain produit par deux Français, sachez-le, Jacques Morali et Henri Bellolo. Pour l'instant, c'est Nougat York, Claude Nougaro. Jambon du rock. hit et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Vous qui êtes des habitués de Fadjet, vous savez que la discothèque de notre antenne n'est pas du tout étriquée, contrairement à d'autres, que nous vous proposons vraiment un choix très large dans les musiques, les chansons qu'on écoute sur l'antenne. La preuve avec ce qui suit, notamment dans Coup de cœur, le suivant auquel nous rendrons hommage, c'est un pianiste mélodiste pop qui a toujours cultivé une apparence singulière. C'est le compositeur et l'interprète d'un grand nombre de succès populaires, notamment Love Me, Please Love Me, que l'on va écouter tout de suite, La poupée qui fait non, Le bal des Laz, Toutou pour ma chérie, Je suis un homme, On ira tous au paradis, Lettre à France, Goodbye Marilou, Michel Polnareff. C'est de lui dont il s'agit, auteur, compositeur, interprète, né en 1944, donc à retrouver dans les semaines qui suivent dans notre émission. Également, les jeunes comme Nolwenn Lamagueres, de son vrai nom, dite Nolwenn Leroy, auteur, compositrice, interprète, multi-instrumentiste, actrice également, d'origine bretonne, née en 82, de formation classique puisqu'elle a étudié le violon et le chant lyrique et a remporté la deuxième saison de la Star Academy le 21 décembre 2002. On va écouter son dernier succès en date, Brésil Finistère. Pour l'instant, c'est Michel Polnareff. Thank you. love me, please love me. Je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Love me, please love me. Je suis fou. Silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, je devais y brûler ma vie. Je suis fou de vous, mais vous moquerez-vous toujours de mon pauvre coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Je façon de parler et de m'exprimer. Préférez-vous jeter les dés et les regarder tomber? Ou voulez-vous plutôt danser les yeux grands fermés? Mais pas la peine de faire comme si c'était la guerre, comme si c'était la dé, comme si c'était la guerre. Et tes pieds sur mes pieds et tes mains là derrière. Et ferme grand les yeux et danse sur la mer. Brésil et Finistère, Japon, planète Terre. Brésil et Finistère, Japon, planète Terre. Je sais que le ciel. Eh bien, une future émission pleine de soleil, puisque nous consacrerons une heure à un groupe fondé en 1975 qui sort un premier album en 76 qui s'appelle Ba Moine Thibault. La Compagnie Créole, vous l'avez reconnu, c'est un groupe de variété français originaire des Antilles françaises et de Guyane, principalement populaire dans les années 80 et passé à la postérité à travers la francophonie, bien sûr. Également, celui qui suit, d'origine russe par son père, est mort en 2004. Il s'agit de Sacha Distel, qui est aussi le neveu de Ray Ventura. Alexandre Sacha Distel est guitariste de jazz, compositeur et chanteur français. Donc, L'Incendiario, c'est sa présentation aujourd'hui dans cette émission. Et puis, Ça fait rire les oiseaux, c'est tout de suite avec la Compagnie Créole. Sous-titrage Société Radio-Canada. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux de l'ancienne de la grande échelle? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Un incendie là-bas fait rage, et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent, mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Mais non, c'est la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Au petit matin, on le devine, tout le quartier avait brûlé. Il ne restait plus que des ruines sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup, dans le jour blême, on vit à courir un pompier. Qui s'écria, je viens de la barre du capitaine, pour dire de ne pas vous énerver. On a retrouvé les tuyaux, mais dans la grande échelle, mais on est en panne d'auto, et on cherche la manivelle. Vous venez de nous rejoindre, eh bien vous avez un petit peu manqué l'inventaire de ce qui vous attend dans les prochains numéros de Coup de cœur, mais ce n'est pas grave, écoutez ce qui suit. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Donc en d'autres mots, si vous voulez retrouver cette émission dès la fin de sa diffusion, vous allez sur internet, vous cliquez sur coup de cœur et vous pourrez réentendre le podcast de tous les titres que je vous ai dévoilés concernant les futurs coups de cœur de cette nouvelle saison. Comme les derniers seront les premiers, c'est un proverbe, et bien ce sera le cas pour celle qui va suivre. En fait, on va lui rendre hommage dès la semaine prochaine. Elle a été révélée dans les années 80 par son rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième version de l'opéra rock Starmania. Ses titres les plus connus sont « Toutes les mamas » sur un prélude de Bach, « Tu es mon autre » en duo notamment avec Lara Fabian. L'artiste à la voix chaude et jazzy fut régulièrement qualifié de voix d'or de la chanson francophone ou encore de voix de velours. Il s'agit de Morane qui est née en novembre 60 et qui nous a quittés en mai 2018. On la retrouve tout de suite en live et puis on la retrouvera pendant 60 minutes la semaine prochaine. Pagaie la pagaille. Attendez, là, je crois que le vétérinaire pour chanteuse, il peut servir pour d'autres. Hein. Oh! Mais vous me faites quoi, là? C'est la récré ou quoi? J'ai pas compris. Vous voulez quoi? C'est quoi? C'est une pagaille que vous me faites. Vous voulez une pagaille? Moi, je suis spécialiste en pagaille. Les gros crocodile, devant lui qui défile. Des hommes à chapeau, à fusil, à couteau, par morceau. Jérémy se cache dans le camp des Apaches. Pas peur des pavots, lui très grand, très costaud, par morceau. Bon, bon, bon. Jérémy a tout vu, tout entendu. Bélé mémé a tout, tout lui crié dessus. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas gay, la pagaille qui a dit ça. Hey, hey, hey, hey, la pagaille a que ça fait. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Jouer la vie, vaille que vaille. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Quand les dromadaires chassent les hélicoptères, Jérémy de Roncevaux par Monceau. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Oublie son cartable dans le bac à sable. File incognito vers la tour du château par Monceau. Bon, bon, bon. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jérémy a tout vu, tout entendu. Mais les mémés à tout, tout ne l'ont pas. C'est donc Morane que nous retrouvons la semaine prochaine pour un coup de cœur pour débuter cette nouvelle saison. J'espère que vous serez au rendez-vous et bon an mal an, rien que celles et ceux que je vous ai présentés nous emmèneront jusqu'aux alentours de Noël. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je vous embrasse bien fort, profitez bien du bon temps qui reste, puis peut-être des futures vacances, il n'est jamais trop tard. Et puis à la semaine prochaine, salut !